Bonjour chères auditrices et auditeurs, l'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Lily. Elle nous apporte son témoignage du syndrome d'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Lily. Bonjour Catherine. Bon, alors Lily, je vais te laisser te présenter succinctement, à ta manière. Oui, parfait. Déjà comme on peut l'entendre, je suis québécoise. Donc, j'arrive tout juste du Québec. Je suis en France actuellement pour faire du woofing, mais également pour voir un peu des amis et tout ça. Au Québec, je suis étudiante à l'université en anthropologie. Et voilà, globalement, un peu le portrait. J'ai 22 ans. Voilà. Et présentement, tu es en woofing à Ralentir pour vivre. Exactement. Voilà, ce qui a fait la cause de notre rencontre. Voilà. Et en parlant, on parle burn-out. Et qu'est-ce que tu me réponds, Lily? Eh bien, que moi-même, j'avais déjà fait un burn-out dans le passé. Voilà. Oui. Donc, on va te poser les mêmes questions qu'on pose à chaque interview. Comment est-ce que tu pourrais décrire le premier jour où tu t'es rendu compte que tu étais en épuisement, en burn-out? Où ça a été acté, on va dire. Ouais, ça a été un peu compliqué en fait parce que je connaissais très bien les états un peu dépressifs déjà. J'avais déjà été, on peut dire, diagnostiquée d'un état dépressif chronique. Donc, depuis que je suis toute petite, une sorte d'épuisement social fait partie de moi et la dépression revient de temps à autre dans ma vie. Et là, c'était la première fois, en fait, que cet état dépressif était issu, en fait, d'un épuisement professionnel, scolaire, émotionnel, en fait. Donc, ça a été la première fois que mon état a été diagnostiqué vraiment comme un burn-out. Et c'est le psychologue que je voyais à l'époque qui m'en a fait prendre conscience, en fait. Mm-hmm. Ouais, donc, à l'époque, j'étais à l'école. Je travaillais, j'avais une vie très active, j'étais très impliquée aussi dans les milieux militants et les milieux associatifs. Et puis voilà, il y a plusieurs choses qui avaient changé dans ma vie, dans mon comportement. Puis Tu avais quel âge? 19-20 ans. D'accord. Ouais, donc j'étais quand même toute jeune. Oui, oui, justement. Ouais, ouais. Ce d'autant, ton témoignage est très intéressant pour se rendre compte que ça touche de plus en plus de jeunes. Cette pression qui est mise sur chacun, tout un chacun, oui, dans le quotidien. Alors, la deuxième question qu'on va poser, c'est comment a réagi ton entourage privé? Ben, en fait, je pense que je ne l'ai pas énormément dit autour de moi. En tout cas, je ne l'ai pas nommé, je n'ai pas nommé le mot « burn-out ». Je disais aux gens que j'étais fatiguée, que j'étais épuisée, que j'étais un peu au bout du rouleau. Mais j'avoue que je n'ai jamais nommé le mot « burn-out », peut-être à seulement quelques amis très près de moi, mais déjà les gens autour de moi commençaient à me dire que j'étais extrêmement désagréable en fait, parce que le fait que je sois autant fatiguée, autant épuisée, faisait que, j'avoue, j'étais très à cran, donc très, très émotive, très colérique, très agressive dans ma manière d'aborder les gens, et ce qui n'est pas du tout mon cas d'habitude. Donc il y a des gens déjà qui avaient remarqué que j'avais quelque chose qui avait changé. Et dans l'entourage, je dirais, alors professionnel pas, mais disons scolaire, ou en tout cas, comment ça a été pris, ou est-ce qu'ils ont été au courant ou pas? Alors en fait, à ce moment-là, moi j'étudiais au cégep, qu'on appelle au Québec, donc un peu avant, juste avant l'université, et j'étudiais en relations d'aide, en intervention sociale, et c'était un programme qui m'intéressait, mais dans lequel j'étais pas très investie, puisque beaucoup, beaucoup de mon temps était consacré à la vie associative et j'étais coordinatrice de l'association étudiante, en fait, de cette école. Donc, je passais presque 30 heures par semaine à organiser des manifestations, des rencontres, des soulèvements, donc voilà. Donc, c'est principalement le milieu associatif qui a été mis au courant parce que ça a eu un grand impact sur eux. c'est puisque c'est eux que j'ai dû abandonner un peu. Mais voilà, donc à l'école, dans la famille, tout ça, ça a été plus... Même au travail, j'en ai peu parlé. J'ai ralenti un peu tout, mais en restant malgré tout présente dans toutes mes implications. Oui. Alors, ce que j'aimerais peut-être qu'on mette exceptionnellement pour ton témoignage en avant, ce que nous ne connaissons pas français, c'est quel est l'environnement et le contexte dans lequel vivent les jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas en France, parce que vous êtes quand même mis dans le marché du travail très jeune. Oui. Même quand tu fais des études. Oui, voilà. Ouais. C'est à peu près la norme, je dirais, au Québec, que les jeunes aient un emploi en même temps de leurs études. Du moins, ça l'était pour les gens qui m'entouraient et pour moi-même. Donc, moi, à cette époque-là, j'étais même déjà gérante d'un restaurant. Donc, j'avais 19, 20 ans et j'avais obtenu la gérance du restaurant. Donc, c'était moi la responsable de la salle du restaurant et qui gérait les serveurs, les horaires, la clientèle, tout ça. Donc, c'est relativement commun au Québec qu'un jeune ait un poste comme celui-là, et malgré qu'il ait des études à travers et tout ça. Donc oui, le milieu du travail est quand même très, très présent dans la culture américaine, québécoise, tout ça. Bien que j'imagine que ce soit pas le cas de tous les Québécois, mais du moins c'était le mien. Oui, mais c'est ce qu'on discutait, c'est-à-dire que des jeunes à partir de 14 ou 15 ans ont des emplois d'été, des emplois week-end pour subvenir à leurs besoins par rapport à leurs études. Oui, voilà, il y a des jeunes Québécois qui... Ben, il y a plusieurs familles qui payent les études de leurs enfants. Il y en a que c'est pas le cas. Donc, ça dépend un peu des situations. Mais oui, les jeunes ont des emplois au début quelques heures seulement pour se faire de l'argent de poche. Puis il y en a qui sont responsables même financièrement de leur subvenir à leurs besoins. Ça dépend des cas. Mais c'est vrai que c'est tout à fait normal au Québec d'avoir des jeunes qui ont des emplois dès le lycée, là. Oui, parce que vous avez quand même une mentalité ou en tout cas une culture de société qui se rapproche des États-Unis. Bon, je ne vais pas dire plus parce que vous n'aimeriez pas... Oui, non, il ne faut pas dire ça trop fort. Non. Mais oui, c'est vrai que la culture du travail est très, très présente, puis... Pour avoir beaucoup d'amis français qui sont venus au Québec, qui sont même venus travailler au Québec, c'est vrai qu'on a des mondes professionnels un peu différents. Très accessibles, abordables, avec beaucoup moins de hiérarchie qu'en France, je crois, mais où le travail a malgré tout une place centrale et occupe la majeure partie de la vie des gens. Oui, c'est quand même... Là, on plante peut-être le décor par rapport à ce que tu as vécu. Donc, que des jeunes, parce que j'ai lu les statistiques, il y a un gros pourcentage de burn-out au Québec. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que les jeunes sont déjà confrontés, dès leur plus jeune âge, à la compétitivité, à la concurrence, oui. À l'évaluation, à l'urgence, à tout ce qui va avec le travail. Oui, oui, absolument. C'est dès 15-16 ans, on a un horaire de travail, on a des collègues de travail, on a une dynamique de travail, puis même avec nos amis et tout, on se parle de nos emplois. Il y a déjà une certaine dynamique de compétitivité qui s'installe, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Nous allons faire une petite pause musicale et nous reprendrons ensuite en voyant les symptômes et ceux qui t'ont concerné et ceux qui ne t'ont pas concerné. Oui. Thank you. Alors maintenant, nous allons regarder par rapport aux symptômes qui peuvent arriver en cas de burn-out. On parle d'un changement dans la motivation, une baisse de la motivation professionnelle, des doutes sur ses propres compétences. L'as-tu vécu? Oui, j'avoue que je suis quelqu'un qui doute beaucoup de manière générale, mais là, c'était exponentiel et je me disais que je n'étais pas la bonne personne pour accomplir tout ce que j'accomplissais, que les gens avaient besoin de quelqu'un de plus compétent que moi et que c'était mieux, en fait, pour tout le monde que je me retire puis que je quitte parce que j'amenais rien, en fait. Donc, oui. Vraiment, ça a été... Un négativisme oui. Total. Oui, d'ailleurs, on verra par rapport au... à ce qu'on appelle, nous, l'état dépressif, qui n'est pas une dépression, mais qui est un état dépressif qui est effectivement très fort dans le cas de l'épuisement. Alors, on parle d'un changement de comportement, on parle du repli sur soi. Oui, j'avoue que j'avais l'impression d'être surchargée par tellement de tâches et de choses à accomplir que j'avoue, je laissais très peu de place aux gens autour de moi pour entrer dans ma vie, entrer dans ma bulle. Et je restais beaucoup seule, justement parce que j'avais l'impression que j'avais tout le temps quelque chose à faire, plus important qu'être avec des gens, en fait. Mmh. Et puis, alors, on en vient à ce que tu as ébauché juste avant, des attitudes impersonnelles, détachées, négatives, voire cyniques. Ah oui, non, mais ça, c'était épouvantable. Particulièrement dans le restaurant où je travaillais, que j'ai même été réputée pendant un certain temps pour être extrêmement sévère et presque méchante à certains égards, de par ma froideur et mon petit ton agressif de personne bien fatiguée. Oui, parce que quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie. Ouais. Donc on devient beaucoup plus réticent à tout, quoi. On est fatigué. N'importe quoi pouvait me... Je rappelle toujours la chose qu'on disait il y a quelques années en arrière, quand un enfant était grognon, on disait « Ah, il a besoin d'une sieste, il faut qu'il aille dormir plus tôt ce soir. » Ah ben voilà, moi j'avais besoin d'une sieste. Hein, voilà. C'est ça. Voilà, des comportements agressifs, mais clairement, il y en a qui ont des comportements très agressifs. Oui. Tu as vécu ça? Non, pas de comportements très agressifs. Les comportements très agressifs ont été plutôt envers moi-même. Ah voilà. Malgré tout, j'ai été sec dans mes comportements, même avec les personnes que j'aimais. Et ça créait en plus la culpabilité qui me rendait agressive envers moi-même. Ouais. Donc, c'était un peu un cercle vicieux. Et voilà. Donc, par chance que j'ai eu des gens qui sont restés malgré tous mes comportements et qui m'ont beaucoup épaulé là-dedans. Mais... Ouais. Alors, on parle de comportement addictif. Alors, bien sûr, on pense à alcool, médicaments, pétards, ce qu'on veut, mais il y a aussi consommation de vidéos, il y a aussi consommation tout court, il y a aussi le sexe. Il y en a qui se lancent dans n'importe quel truc addictif qui amènerait une espèce d'énergie instantanée. Oui. En fait, moi, par le passé, j'avais déjà eu des troubles alimentaires. Donc, j'avoue que pendant cette période-là, je suis un peu retombée dans mes troubles alimentaires. Donc... J'ai eu beaucoup de crises de boulimie, puis un petit peu de comportement anorexique aussi, justement pour compenser la culpabilité et tout. Je me punissais par la privation. Bref, il y a eu un petit cercle dans les troubles alimentaires. Mais ça a été ça, je pense, ma consommation. J'allais trouver du réconfort dans la nourriture. Oui. Puis voilà. Mais sinon, justement, je pense que ma compulsion était aussi dans mon implication sociale. En fait, c'était ça qui était épuisant aussi. C'est que je trouvais beaucoup de fierté et de bonheur dans l'implication sociale que j'avais. Mais c'est là où c'est un peu vicieux. C'est que c'est ça qui m'a épuisée, en fait. Mm-hmm. Voilà. Oui, c'est un serpent qui se mange la queue. Voilà. C'est tautologique, l'affaire. Voilà. Alors, on parle des troubles cognitifs. Alors, c'est intéressant, des troubles de la mémoire. Ça, j'avoue que j'en ai eu un peu moins. Quelques oublis, probablement. Non, mais pas le style à avoir ton petit carnet, parce que si t'as pas de petit carnet, tu sais même plus ce que tu dois faire. Ah oui, ok. J'avoue que moi, mon agenda, c'était comme ma Bible. Il fallait absolument pas que je le perde, parce que ma vie y était inscrite, mes rendez-vous y étaient inscrits, toutes mes obligations y étaient. Donc oui, j'avoue avoir eu des petites paniques quand mon agenda disparaissait et tout. Mais sinon, pas de... Non, parce que ceux qui ont des troubles de mémoire, je pense que c'est avec l'âge hein, aussi. Oui, c'est le pour ça peut-être. Le fait que tu étais jeune, voilà, t'as pas automatiquement. Ceux qui ont des troubles de mémoire, c'est vraiment grave. Hein. C'est vraiment le poisson rouge. Hein. Ils tournent 9 secondes. C'est-à-dire qu'ils vont à la cuisine, ils savent pas, bah, ce qui arrive à tout le monde, ouais. Ils savent pas ce qu'ils sont venus faire. Mais une heure après, ils savent toujours pas ce qu'ils sont venus faire. Des troubles vraiment violents de ah ouais, non, mais voilà, mémoire. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas eu. Voilà. J'ai quand même gardé mon hyper-vigilance du temps et des tâches. Puis les troubles de l'attention, ce qui veut dire que il y a une tâche à faire, on s'y met, 30 secondes après, on passe à autre chose parce qu'on n'arrive pas à avoir de l'attention sur quelque chose. En fait, c'était plus une perte de motivation tellement totale que j'avais plus aucune motivation à me mettre à une tâche. Ouais. Donc, j'étais tellement fatiguée que j'avais pas de concentration. Mais je sais pas si c'est un trouble d'attention plus qu'une fatigue tellement poussée à l'extrême que j'ai ni motivation ni énergie à consacrer. Ça se tient, parce qu'il y a aussi les troubles de la concentration, on parle de ça. Ouais. C'est-à-dire vraiment ne pas arriver à se concentrer sur quelque chose. Par exemple, lire. Mais est-ce que... Ouais. Je pense que tu as continué à lire pendant cette période où tu avais arrêté. Je lisais beaucoup moins. Je lisais beaucoup moins. J'avoue que c'est une période où j'ai passé le plus clair de mon temps à dormir et ou à regarder dans le vide. Donc, j'allais marcher quand j'en avais l'énergie et tout, mais voilà. Donc, j'essayais de maintenir le bateau à flot et de continuer toutes mes activités. Mais voilà, mes passe-temps avaient un peu disparu. Mmh. Alors, trouble des fonctions exécutives, c'est-à-dire on doit faire une organisation. Avant, on le faisait en 30 secondes et là, on n'est plus capable de faire. Non, c'est drôle, mais j'avoue que j'ai pas eu ça. Je pense pas, du moins. C'est vraiment... Je savais ce que j'avais à faire, mais j'en avais juste plus l'envie. En fait, j'étais en colère contre tout le monde qui me demandait de faire des choses que... Il y a quelques semaines, ça m'aurait absolument pas dérangé de le faire, puis je l'aurais fait en quelques secondes. Mais là, juste la demande m'agressait. Et donc, je savais que j'en avais les capacités, je savais que j'aurais pu le faire, mais je voulais pas le faire, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la motivation. Je me sentais agressée par tout mon environnement. Oui, parce que là, on va faire une petite pause musicale, mais avant, je vais te poser une question. Tu n'as pas arrêté complètement tes activités? Non. Voilà, donc le fait que tu étais jeune t'a permis de quand même amortir plus ou moins, oui, sans arrêter complètement tes activités. Oui, je pense que j'ai malgré tout eu l'énergie de continuer, la motivation peut-être aussi qui restait là, mais en fait aussi l'obligation. En fait, je devais continuer mes études, je devais continuer de travailler pour payer ma vie. Donc c'est tout ce qui était superflu qui a été retiré, entre autres mon engagement social qui a grandement diminué dans ces années-là. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, on se retrouve sitôt après la pause musicale. Thank you. Voilà, Lily, on va parler des troubles psychiques et des troubles physiques. C'est intéressant parce que là, c'est un petit peu plus, on va dire, investir le problème. Oui. Anxiété intense, agitation anxieuse, débit de parole submergent. Oui, mais ça, je pense que ça fait partie de ma vie depuis que je suis née. tous ces problèmes sont là en moi. Je parle vite, je réfléchis vite, je suis anxieuse. Je pense que ça fait un peu partie de ma personnalité, peut-être. Mais oui, assurément, ça a été très intense dans ces années-là, ces mois-là de burn-out. Et oui, j'étais très agitée. Oui. Et anxieuse. Ah oui, oui, oui. As-tu eu recours à des médicaments anxiolytiques et autres? Alors, en fait, j'étais déjà sous médication. Ouais. Parce que, justement, moi, j'avais eu des problèmes de santé mentale dans le passé. J'avais quelques diagnostics, entre autres un trouble anxieux généralisé et des dépressions chroniques. Donc, j'avais déjà été médicamentée par le passé. Suite à des idées suicidaires et tout. Donc, voilà, donc j'étais déjà médicamentée pour l'anxiété. Et c'est pour ça, en fait, que même mon psychologue et les gens, les médecins autour de moi étaient un peu désorientés sur ce qu'ils pouvaient faire, parce que dans les faits, j'avais déjà la médication, j'avais déjà un psychologue, j'avais déjà un réseau qui m'entourait. Et c'est pour ça que tout le monde était un peu démuni face à ce burn-out qui arrivait, parce que les solutions étaient déjà mises en place. Ce qui me restait à faire, c'était d'apprendre à ralentir, en fait. C'est très intéressant parce que ça fait 2 ans que le gouvernement français met en avant la santé mentale des jeunes. Alors bon, on va le prendre au premier degré. C'est vrai qu'ils mettent ça en avant. Seulement, il est certain qu'à l'heure actuelle, les jeunes, quels qu'ils soient, ont une problématique par rapport à l'adaptation dans le système dans lequel on est. Il y a comme une espèce de... On y va, mais en même temps, on recule, et puis on y va, et en même temps, ça donne envie de vomir. Oui, par rapport à la vie. Oui. Oui, peut-être. C'est intéressant d'avoir ton témoignage, parce qu'en quelque sorte, si on peut résumer, il y a eu une pression qui a été donnée sur le long terme depuis 13 enfants, puisque tu as eu déjà de la médication et autres. Oui. Donc, ce qui fait que là, c'était... peut-être un état dans lequel tu étais déjà de fatigue et qui a été accentué. Oui, voilà, je pense que ça fait déjà bien longtemps que je suis fatiguée, en fait, puis j'avais une fragilité psychologique en plus. Oui, le docteur Koefig dira tout de suite que la fragilité n'est pas un argument. Ah, bon, ben parfait, donc... Typiquement, non, on n'entend pas ça. OK. Parce que la fragilité ne fait pas qu'on se met dans une situation de burn-out, non. On ne va pas dire qu'il y a des terrains favorables et des terrains pas favorables. Non, c'est le processus se fait quelquefois sur le très long terme. Oui. Ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'il y a un terrain, mais non, ça s'est fait sur le long terme. C'est ça qu'on appelle un terrain, en quelque sorte. Et puis, des processus qui sont plus rapides. Okay. Donc, c'est plutôt, nous, on le voit comme ça, mais c'est notre point de vue. Oui. Et on parle d'irritabilité. Oui, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, j'étais très irritable et... Envers tout. Hein. Quelqu'un dans la rue pouvait juste passer près de moi et voilà. j'étais agressée. Là, donc, voilà. Mais avais-tu déjà vécu de l'irritabilité auparavant dans ta vie? Oui. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Ça peut être un processus qui s'est fait très lent et qui a abouti presque à un putsch. Oui, oui, exactement. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais des choses qui s'accumulaient en moi. Mais j'avoue que cette période où j'étais justement au travail, où c'était très intense à l'école, très intense dans les milieux associatifs, tout était démultiplié. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que ma bouteille a explosé. Voilà, disons. Oui. On parle de la chute de l'estime de soi, quoi. Oui. Complète. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune estime de soi et point barre, en quelque sorte. Alors là, on en vient au cœur du sujet, puisque tu l'as mentionné depuis le départ, la réaction dépressive. Nous, on appelle ça une réaction dépressive. Okay. C'est pas une dépression en soi. Oui. Parce qu'une dépression, c'est quelqu'un qui, effectivement, a toujours été non dynamique. Oui, mais moi, j'avais déjà fait des dépressions par le passé. Ben, ou des clashs burn-outiens minuscules. On se pose des questions, parce que dans l'absolu, Lily... Je te vois comme une personne très dynamique. Mais je crois être capable d'être dynamique sur le court terme, mais je ne sais pas si je pourrais être toute une vie. Oui, mais tous les êtres humains sont comme ça. Oui, voilà. Non, mais assurément, je suis capable d'être très dynamique, ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est un état de tristesse, mais ce n'est pas franchement un état dépressif, dire qu'on ne fait rien. Ah non, mais j'ai eu ça. Oui, d'accord. Oui, oui. J'ai eu des 3-4 années de ma vie où il ne se passait rien. Là. Je ne faisais rien, je ne faisais que dormir, manger, pleurer. Des études. Oui, de mes 14 ans à mes... De mes 13 ans à mes 16 ans, disons. Mais tu faisais tes études, quand même. Oui, mais... Et tu travaillais à côté. Certaines périodes. Oui. C'est ça que j'essaye de mettre en avant, c'est toute cette charge qu'on se met comme étant une normalité. Ben oui. Et que quand on n'y répond pas, je relève juste que tu as dit un nombre indéfini de fois, j'avoue. J'avoue, c'est quand on est coupable. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Oui, c'est vrai, je dis beaucoup ça. Ben, je donne un exemple. Par exemple, un exemple tout à fait pragmatique. Enfant, je n'ai jamais pu sauter la corde à l'école, là, quand on faisait du saut, plus que 1m20. Moi, il fallait oublier, 1m10, c'était mon maximum. Ouais. Et puis même que je faisais 1m67, presque 1m70, je n'arrivais pas, mes jambes, elles ne suivaient pas. Ouais. Je n'en étais pas capable. Mais il n'y a pas à être coupable de ne pas être capable. Non. Oui, non, c'est vrai, c'est plus tout le monde serait obligé d'être des fusées branchées sur des espèces de piles parce que, soi-disant, il y en a qui sont des fusées branchées sur les piles et on devrait tous aller au régime passer le mur du son parce que c'est la mode de passer le mur du son. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui, mais en même temps, moi, je sais que je ne suis pas heureuse quand il se passe rien dans ma vie. Et peut-être que c'est une construction sociale et identitaire, mais moi, je trouve mon bonheur dans la surimplication. Moi, je trouve mon bonheur dans le fait d'être impliquée socialement, dans le fait d'avoir des activités professionnelles, sociales. C'est ça, en fait, qui est vicieux, c'est que je m'épanouis là-dedans, et une fois que ça franchit une certaine limite, là, ça devient hyper malsain. Mais si je suis trop calme, je suis pas bien non plus. Oui, bah alors je vais répondre. Entre trop calme et surspeedé, il n'y a pas un milieu au milieu? Oui, mais c'est ça qui est dur à atteindre. Ah bon, on est d'accord. Oui. Mais qui empêcherait de dire j'avoue, c'est le juste milieu, c'est tout. Mais oui. Puis il n'y a plus j'avoue, je ne suis pas coupable. Enfin, c'est ça que j'essaye de mettre en avant. Hein. Oui, oui. Totalement. Tu vois, c'est le côté humain qu'on pourrait très bien être, trouver un juste milieu. Oui. Et ne pas se sentir coupable et être investi tout en prenant du temps pour soi parce qu'on a besoin de respirer entre deux. Oui. Parce qu'on a besoin de... Donc voilà, le désespoir, ben ça je pense que tu as eu des moments de désespoir. Ah ben ça. Voilà. Oui, oui. Mais justement, le désespoir, je le connaissais comme... Qu'on appelle ça une dépression ou un état dépressif, c'est des choses que je connaissais. Puis, dès mes 15-16 ans, j'avais eu de graves idées suicidaires. J'avais même été déjà hospitalisée en psychiatrie pour ça. Donc, c'est des défis que je connaissais. Et je faisais en fait que renouer avec ces choses que je connaissais déjà. Donc, j'ai eu en fait la chance de connaître déjà ces petits démons et d'avoir... était bien outillé malgré tout pour y répondre. Pour avoir interviewé pas mal de jeunes, y compris dans l'émission C'est à vous en direct, à contre-temps, une jeune, une fois, m'avait répondu, mais dans notre génération, c'est hyper courant d'avoir des crises de panique. Bah oui. Oui, mais c'est quand même assez nouveau, ça, des crises de panique, d'anxiété, c'est... Limite, elle disait, on se rencontre entre potes. Ah ben toi, hier soir, ah ben t'en as eu une. C'était comme si t'avais eu 3 boutons d'acné sur le nez, quoi. Ouais, je sais pas par contre si ça a pas toujours existé, mais qu'on le nommait pas. Probablement. Probablement, quoique à moindre quantité. Ouais, peut-être. Je peux penser que oui, ça a toujours existé. Pour avoir connu les années 70, les années où tout était possible, hein, oui. Je peux en parler quand même un peu en connaissance de cause. Oui, ça pouvait exister, oui, il y en avait. Seulement, il faut être honnête, c'est qu'on avait une ouverture d'un champ de tous les possibles. Oui. Et que bah, ceux qui étaient plutôt dépressifs ou qui n'avaient pas envie de marcher dans la combine ou qui avaient des idées suicidaires, c'était ceux qui, pour eux, c'était trop. Oui. Ils n'arrivaient pas à choisir, ils n'arrivaient pas à se positionner. Mmh. Donc, on a eu tous les babacools à l'époque, hein, le Larzac, machin, bah tout, oui. Qu'ils allaient garder leurs brebis et tout. Mais même ça, ils ont réussi à le faire. Tout était plus ou moins faisable. Oui. Même quand on n'était pas vraiment surengagé et qu'on était plutôt du style babacool. Oui. Mais maintenant, pour faire quelque chose, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans un air des possibles où... ou du moins qui semble être un air des possibles, puisque, je sais pas, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous projettent beaucoup des vies où tout est possible. On voit des gens, oui, mais des gens là... faire le tour du monde. Mais c'est là des que c'est gens... grave. Oui, ben voilà, parce que ça nous confronte en fait à chaque fois à « Ah, mais moi, je suis pas en train de faire ça ». Ben oui, mais c'est grave, parce que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est 1 sur 7 milliards. Oui, bien sûr. En termes de probabilité... Mais particulièrement les jeunes, on est confrontés à ça au quotidien, sur nos écrans, sur les réseaux sociaux et tout, on est confrontés à des gens qui illustrent vivre une vie de rêve et de productivité. Oui, mais c'est comme si, moi je disais dans les années 80, j'avais envie d'être Lady Diana. Oui, bien sûr, mais 1 sur 1 milliard, sur 8 milliards. Ouais, ouais. 1 sur 8, 7, 6 milliards à l'époque. Enfin bref, c'est, oui, on peut rêver d'être une princesse. Peut-être que maintenant, c'est poussé à l'extrême. Et que les gens ont peut-être cette idée que bah, si je veux, je vais pouvoir. Oui. Oui, seulement le burn-out, il ne faut pas oublier que c'est une surdose d'adrénaline et de cortisol et que c'est notre cerveau qui dit stop. Notre volonté continue à dire oui et notre corps, il dit non. Oh, je pense que oui, mais même la volonté, un moment donné du burn-out, la volonté dit non, non? Ben, quand le corps dit non. Oui, ok. C'est au moment où le corps dit non que la volonté dit bon, d'accord, ok, je baisse les bras. Ouais, ok. Mais tant que le corps dit oui, la volonté, elle lui donne des coups de pied au cul. C'est exactement dans le même état d'esprit qu'on prend du café. On prend du café quand on est fatigué. En quelque sorte, on se donne un coup de pied au cul quand on est fatigué. Oui. C'est oui. Ça l'idée. Donc la volonté, c'est aussi ça. C'est intéressant, je trouve, d'entendre les jeunes parce que je pense que. Ce que tu as dit tout à l'heure, il y a une éducation sociétale faite dans le fond, dans la trame, dans la stratégie complète de l'univers maintenant, comment on doit vivre, qui est rentrée dans l'esprit des jeunes, qui nous, dans notre esprit, n'était pas rentrée tout de suite. Oui, mais puis ce que je trouve difficile actuellement aussi, c'est bien beau de se dire « Ah oui, parfait, je vais ralentir, je vais prendre du temps pour moi et tout, et je vais essayer une autre manière de vivre, mais... » Mais dans cette nouvelle manière de vivre qu'on essaie d'adopter, il y en a 7 milliards d'autres humains qui, eux, continuent leur rythme de vie effréné. Donc, il y a malgré tout un petit sentiment de regarder passer la parade, en fait, de faire comme, ben oui, moi j'ai décidé de me choisir, de prendre du temps, de ralentir, mais pendant ce temps-là, mes amis achètent des maisons, font des enfants, obtiennent des hauts postes dans leur travail, donc c'est hyper confrontant, même quand on décide de décider de ralentir. Ah, c'est très, très compliqué. Ouais. Effectivement, c'est un grand dilemme. Ben oui. Et ça, c'est... Je pense quand même que le fait d'être rentré dans les passes du burn-out aide un petit peu à comprendre que oui, d'accord, seulement c'est quelquefois dangereux. Oui. C'est tout. Thank you. Alors après, on parle des problèmes physiques. Alors les problèmes physiques, c'est intéressant. On appelle des manifestations somatiques, alors plainte ou douleur, douleur abdominale, douleur musculaire aux articulations, en principe, en particulier dorsales, ulcères, troubles gastro-intestinaux, troubles alimentaires, enfin, tout ce qui peut être dans le côté alimentaire, soit on prend du poids, soit on perd du poids, enfin, il y a tout un déséquilibre qui se fait. Oui. Et puis, des douleurs, on va voir le médecin, il nous fait toutes les analyses du monde, puis il dit, bah, écoutez, il n'y a rien, quoi. Oui. Oui, ben moi, je connais très bien la somatisation, justement, parce que j'avoue que c'est en moi, là, j'ai un peu de difficulté à exprimer mes émotions de manière fondamentale. Donc, la plupart du temps, mes émotions passent par mon corps. Mm. Donc, je le sais, en fait, quand je vis de grandes émotions, la plupart du temps, j'ai mon trio gagnant mm. qui est mal de ventre, mal de cœur, mal de tête. Ouais, voilà. Alors, quand ça va pas, je sais que j'ai ce petit trio-là qui oui. arrive en moi. Alors oui, j'avais mon petit trio mal de tête, mal de ventre, mal de cœur. Mm. Mais en plus, j'avais certainement des courbatures de par le métier de serveuse parce que mm. je travaillais beaucoup en restauration. Donc, j'avais mal au corps, mal à la tête, mal un peu partout. Et des migraines souvent, il y a. Oui, voilà, mal de tête, migraine, oui. Ouais. Oui. Puis, mais oui, donc je me rappelle avoir eu mal beaucoup comme ça, mais principalement justement le petit trio, là, mal de tête, mal de ventre, mal de cœur, avoir des nausées et tout pour aucune raison, être très fatiguée, puis justement ben, perdre du poids parce que j'avais mes troubles alimentaires et tout qui faisait que je mangeais soit pas du tout, ou alors j'avais plein de comportements qui faisaient là, que... Ben, puis en fait, mon corps était en hyperactivité tout le temps, donc oui, j'ai perdu du poids pendant cette période. Mmh. Oui. Et on parle de crise de larmes. Oui. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que, comme je viens tout juste de dire, j'avais avant beaucoup de difficultés à nommer mes émotions, à les exprimer et tout, particulièrement en public. Et c'est quand j'ai commencé à l'école, au travail, et même dans les milieux associatifs et tout, à fond dans l'arme pour aucune raison. C'est ça. Ou juste parce qu'une mauvaise nouvelle venait de tomber et tout, c'est et que ça. Je me sentais submergée. C'est ça. Et là, je me mettais à pleurer et j'allais m'isoler dans une pièce et pleurer toute seule. Donc, moi, c'est là que j'ai su que vraiment, il y avait quelque chose qui clochait parce que ça ne m'était jamais arrivé. Ça, le symptôme de la crise de larmes, je pense que c'est la chose qu'il faut que ça fasse tilt. Oui, ben voilà. Tout de suite. Ouais. C'est le symptôme du burn-out. Oui, ben moi, c'est ça qui a allumé la cloche parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Oui, ben pour toi, mais pour d'autres personnes à qui ça arrive souvent malgré tout, là, ça devient, ils deviennent des fontaines. Hein. Oui. Tu leur dis bonjour, déjà là, ils commencent à avoir les larmes aux yeux. Oui. Ben moi, c'était pas jusque-là, mais du coup, comme j'ai un peu de... difficulté, oui. Oui, voilà, j'avais déjà une difficulté, donc juste le fait de pleurer, en fait, je pleurais jamais. Ouais, donc ouais. Juste le fait de pleurer, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ouais. Des troubles du sommeil. Oui. Par contre, moi, j'ai fait très peu d'insomnie. J'en ai fait un peu avant, mais là, vraiment, ça va mieux de ce côté-là. En fait, c'est l'inverse. Moi, ça a été un mécanisme de défense. Je crois mon corps tombait endormi. Oui. À peu près partout, tout le temps. Oui. Et je pouvais faire des nuits de 14 heures. Oui, alors ça. Oui. En principe, c'est l'un ou l'autre. C'est comme la nourriture. C'est l'un ou l'autre. Oui. Mais c'est un dérèglement, quoi. Oui, ben voilà. Donc, je dormais beaucoup. Oui. Oui, c'est ça. Après, on parle de la réduction des défenses immunitaires. C'est-à-dire que, bon, il passe. Une grippette, elle est pour nous, quoi. J'ai pas souvenir. Non, j'ai pas l'impression. Mais en même temps, peut-être que je me rappelle plus, mais... Mais j'avoue que là-dessus, j'avoue encore, je l'ai dit, je suis désolée. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Parce qu'on fait ça justement pour ces témoignages, pour enlever la culpabilité aux personnes. Et c'est bien parce que là, tu le dis ouvertement, donc on parle bien d'un sujet important. Oui. Pourquoi est-ce qu'une victime va se sentir coupable? Oui, mais je sais pas, là. C'est peut-être aussi simplement un tic de langage, mais c'est vrai que peut-être aussi il y a une culpabilité sous-jacente. Mais... Ah ben ça, c'est certain, sociétalement parlant, il y a une culpabilité. Oui, ça c'est je clair. N'ai pas la force de faire ce que tous les autres font. Oui. Tu nous l'as dit à plusieurs reprises d'une manière ou d'une autre. Oui. Et donc, on est coupable. Donc, c'est vrai qu'en adolescente, je me sentais coupable de ne pas sauter plus d'1m20. Oui. Mais ça s'arrêtait au saut à l'élastique. Oui, puis en fait, là, on parle de culpabilité, puis ça me fait penser, pendant cette période-là, la culpabilité, moi, je l'ai ressentie énormément parce que le peu d'énergie que j'avais, je l'utilisais pour maintenir, comme je dis, le bateau à flot. Donc, pour mes études, un peu pour le travail, un peu pour mes obligations. Mais donc, tout ce qui était, entre gros guillemets, facultatif, donc mes amis et ma famille, ben, j'avais plus d'énergie pour eux. Donc, je me suis beaucoup isolée d'eux. J'ai beaucoup négligé ma famille, beaucoup négligé mes amis. Et c'est eux, en fait, qui ont pris le coup parce que c'est avec eux que j'avais le moins d'énergie, puis avec eux que j'étais le plus à l'aise, en fait, de montrer ma vulnérabilité. Donc, ouais, la culpabilité était énorme dans ce moment-là. C'est un des problèmes. C'est un des chevaux de bataille de l'association, c'est de montrer que l'individu n'a pas à se sentir coupable d'avoir été victime d'un épuisement. Oui. Ben. En même temps, je me dis que ça doit être dur aussi pour les proches qui accompagnent les gens en burn-out parce que moi, je sais que les gens autour de moi en ont pris pour leur grade là, pendant que j'allais pas bien. C'est certain. Donc, je pense que, je sais pas, je pense que les personnes qui accompagnent les gens en burn-out doivent se protéger aussi un peu. Ah ben, des fois on me demande qu'est-ce qu'on peut faire si on a dans notre famille ou notre proche qui est en burn-out. Moi je dis rien, juste les aimer Oui, ben voilà, c'est largement suffisant. inconditionnellement. Oui. Mais surtout, vous en mêlez pas. Oui. Vous ne devez pas vous en mêler parce que ça ne sert strictement à rien. La personne, quand à un moment X, elle va toucher le fond, elle va vouloir rebondir, mais c'est pas parce que vous allez lui plonger la tête un peu plus au fond qu'elle va rebondir plus vite. Hein. Non, voilà, Ça ne sert puis. à rien. Mais les gens essayent toutes sortes de choses. Moi, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui me proposaient plein d'activités. C'est Viens, on ça. va aller marcher, ça va te faire Non, du non, bien, non, bah. non. Mais voilà, On leur c'est. donne deux claques, tu vas me faire du bien. Mais c'est bon, je sais ce qui me fait du bien. On est irascible, on est. Donc on Oui, puis réagit fort en c'est plus. hyper compliqué pour nous d'avouer qu'on n'est même pas capable d'aller prendre une C'est marche, en ça, fait. c'est ça. Donc c'est compliqué. Ouais. Voilà. Voilà Lily. Donc on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé. Ouais. Maintenant, j'ai envie de te poser une question que je pose d'ailleurs à toutes les interviews. Et comment s'est passé le après pour toi? Comment tu pourrais qualifier ou analyser ton après de cette prise de conscience? Parce qu'il y a quand même une prise de conscience de Oui. limite qu'on a. Oui. Eh bien, je pense. Malheureusement, je pense que je suis pas à l'abri de refaire un burn-out dans ma vie. Je pense que j'ai malgré tout en moi une énergie d'investissement et de surinvestissement. Mais là, au moins, je sais que j'en suis consciente. Alors Ah, voilà. déjà, j'ai pris conscience de cette manie que j'ai de me surinvestir dans tout ce qui m'intéresse, tout ce que j'aime et tout ce qui m'entoure, en fait. Donc déjà d'en avoir pris conscience, je pense que c'est une grande force. De manière plus concrète, j'avoue. Oh. J'avoue. Ouais, de manière plus concrète, c'est vrai que, par exemple, les milieux associatifs font beaucoup moins partie de ma vie aujourd'hui. J'ai vraiment vécu une fatigue militante, une fatigue de m'investir dans toutes les causes. Il y aura toujours des causes dans lesquelles s'investir. Il y aura toujours des troupes à motiver. Il y aura toujours des gens qu'on n'arrive pas à rejoindre. C'est C'est ça. le combat d'une vie. Et je pense que je m'y suis beaucoup épuisée. Donc maintenant, je milite, mais sans être au centre de l'action. Je milite un peu en retrait. Mais je crois toujours encore très fermement à toutes mes convictions. Mais c'est vrai que j'y suis peut-être un peu moins impliquée. Peut-être que j'y retournerai un jour au front. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai pris mes distances. Le militant, c'est un des milieux où il y a le plus de burn-out. Ben c'est tellement. En fait, c'est parce qu'on y est tellement impliqué, non seulement physiquement, en temps, mais aussi en Émotionnellement, émotion. Oui, c'est voilà. ça. C'est ça Et qui est drainant. psychiquement, parce qu'il y a Oui. quelque chose de l'ordre de. Ah, c'est. Ouais. J'ai perdu une très bonne amie qui s'est suicidée l'année dernière, Ben oui, il y a. militante le Ouais, je premier suis heure. désolée. Oui, elle avait 70 ans et elle n'a pas passé le cap. Ouais, c'est épuisant. Il y a beaucoup de détresse dans les milieux militants. Oui. Donc voilà, c'est vrai que je me suis un peu éloignée de ces milieux-là. Parce qu'en plus, je sais que si j'y retourne de manière juste un petit peu, si j'y mets un orteil, ouais, je vais retomber dans mon engrenage. Alors, je m'en tiens un peu loin pour le moment. Et surtout, en fait, j'ai pris conscience de l'importance d'accorder de la place aux humains autour de moi, en dehors de mes milieux professionnels et académiques. Mm-hmm. Donc, d'avoir des réseaux sociaux qui me sortent de mes milieux mm-hmm. que je fréquente à tous les jours, pour avoir des bulles d'existence mm-hmm. en dehors de mm-hmm. ces champs. Et on peut militer d'une façon passive. Oui, voilà, juste des façons notre manière de vivre. Notre, c'est ça. Oui. Les gens qu'on fréquente, oui, on oui. peut militer de différentes manières. Totalement. Voilà. Et puis, ben, est-ce que, à part le fait que tu as repris moins de vie associative, quelle a été la motivation de faire ce woofing-là? Parce que c'est quand même aussi nouveau. Oui. Ben, plusieurs choses. Déjà, j'avais très envie, ben, justement, d'explorer d'autres manières de vivre, des manières de vivre peut-être plus ancrées à la terre et à l'humain plutôt que dans la productivité puis le capitalisme qu'on peut retrouver dans les villes. J'avais envie de me reconnecter un peu à la vie humaine et naturelle, si on peut le dire comme ça. Et c'est des modes de vie en fait qui m'intéressent même éventuellement dans ma vie de tous les jours, donc j'avais envie d'explorer tout ça. Mais également anthropologiquement parlant aussi, ça m'intéresse de voir comment les humains pallient à nos systèmes de productivité. Mmh. Donc, voilà, c'était tant académique que personnel. Éventuellement, je ferai peut-être une thèse sur le sujet, on verra. Mais oui, c'était un peu une quête personnelle en même temps et un grand défi pour moi d'apprendre à ralentir et à me déconnecter aussi. D'où ta venue à ralentir pour vivre? D'où ma venue à ralentir? Ça t'a fait sourire, le titre? Ben oui, et quand je disais aux gens autour de moi, à mes amis, à ma famille, que j'allais dans une place qui s'appelait « Ralentir pour vivre », les gens riaient, là, parce que moi, j'ai pas la personnalité de quelqu'un qui ralentit pour vivre. Hein. Donc, donc, j'étais tout à fait consciente que ça allait être un défi, mais je me découvre beaucoup plus apte que je pensais à ralentir. Oui, parce que ralentir n'est pas ralentir dans le quotidien. Ralentir, c'est apprendre à se faire des pauses. Oui, voilà. La fameuse méthode sandwich. Oui. On ne mange pas du jambon une semaine, de la moutarde une semaine, du beurre une semaine, du pain une semaine. Non, on met des petites tranches. Donc ici, les activités, on a des tranches d'activités et on est assez fluide. Et puis entre deux, on pose, on refait, on pose, on refait. On a quand même une to-do list, hein, on suit quand même. Oui, oui, quand même. Et on la suit, mais on se donne des moments de pause et puis ben, on s'accepte des moments où, ben non, là, on pensait qu'on pourrait faire plus vite, ben non. Puis là, on pensait qu'on allait plus lentement, ben non, on va plus vite. Ouais. On est beaucoup plus fluide, je pense. Oui, voilà. Je pense que c'est ça aussi que je venais chercher en faisant des woofing un peu en France actuellement. Voilà. Je venais chercher un peu de fluidité. Alors, on te remercie beaucoup, Lily, parce que ce sujet, pour nous, est extrêmement important puisque cette année, c'est encore dédié à l'année de la santé mentale des jeunes. Ouais. Et c'est vrai que c'est important qu'on comprenne un peu, que les auditeurs, les auditrices comprennent un peu cette différence qu'il y a, probablement parce qu'on en parle plus que plus jeune. Quand moi j'étais plus jeune, on en parlait moins, c'est clair. Peut-être parce qu'on en parle plus ou peut-être aussi parce que le contexte est relativement différent. Oui, sûrement. Ouais. Parce que j'ai apprécié, ça m'a fait beaucoup sourire, quand on a discuté avec des membres du réseau, là, et que tu as dit « je suis anthropologue, c'est le métier où on est au chômage ». Non, mais ça, c'est la blague que je fais parce que c'est. Être anthropologue, c'est un peu comme faire des études en philosophie. Il n'y a pas énormément de débouchés professionnels. C'est la blague, moi, qu'on m'a fait dans ma famille quand j'ai dit que j'allais devenir anthropologue. Ils m'ont dit oh là là, mais elle va être serveuse toute sa vie, en fait. Parce que. tu vois, dans le cynisme de la vision, parce que. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Oui, ben... Ah, mais je vais au fond, là. Hein. Non, là, mais, je suis en train de mettre le doigt sur ce qui fait mal, là. Non, mais totalement, mais c'est... Mais, et pourtant, moi, je suis allée à l'encontre de tout ça, parce que malgré tout, je m'implique et je m'investis dans des études qui, en effet, ont possiblement pas de débouchés, mais en même temps, selon moi, il y a des débouchés. Selon les anthropologues, il y a des débouchés. Et je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, en fait, tant qu'on fait ce qu'on aime, il y a moyen d'être tout à fait heureux. Et, Et voilà, de toute façon, moi j'ai l'intention de poursuivre mes études au cycle supérieur et éventuellement de devenir chercheur. Donc là, il y aura à peu près toujours des débouchés. La Exactement. recherche a toujours besoin de chercheurs. Exactement. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Lily, pour ce témoignage.